Le marchand d'étoiles par Armand Silvestre. Pourquoi nous étions-nous querellés? Je ne le sais vraiment plus. Mais ce n'est pas certainement qu'elle m'eût refusé quelques caresses. Pour une raison bien futile alors, le talent d'un poète, les destins d'un pays ou le parfum d'une fleur. À moins que ce ne fût pour le secret de nos destinées futures, ou le progrès dans l'humanité, ou quelque autre baliverne. Toujours est-il que minuit ayant sonné déjà, et le feu n'étant plus qu'un microcosme d'étincelles dans sa cendre, elle avait absolument refusé de me suivre dans le grand lit où nous avions coutume de nous étendre l'un près de l'autre dans un sommeil enlacé. Boudeusement, et malgré mes supplications, pour mes supplications peut-être même, elle s'était recroquevillée sur le canapé, charmant à voir d'ailleurs, les talons ramenés sous le séant, délicieusement montueuse en cette posture tourmentée. Mais j'entends déjà des personnes de l'honorable société me dire « Vous êtes un joli coco, mon compère. Vous gardez pour vous, en cette délicate occurrence, le lit moelleux et vous abandonnez à la pauvrette une machine à torticolis. On n'est pas plus galant, monseigneur. Té, ce que vous prenez pour de l'égoïsme, superficiel interrupteur, était tout simplement un artifice amoureux et que je vous recommande en pareil cas. Il était certain que si j'eusse fait le contraire, dans le bien-être de notre couche tiède, elle se fût voluptueusement endormie, sans plus penser à moi, qui me cassais les reins sur une chaise longue. La femme est ainsi, exquise, mais farouchement personnelle. J'aurais donc été séparé d'elle toute la nuit, tandis que je pouvais compter sur la douleur des fausses postures, le froid et autres inconvénients de sa situation pour me la ramener bientôt. Sa nature douillette aurait raison de sa nature boudeuse. Ah, je souffrais beaucoup de ce procédé, en apparence cruel, et de savoir son joli corps torturé par de faux mouvements, et à moi, faux de bonté, le remords était une feuille de rose. La température s'abaissait sensiblement, et le dernier tison venait de fermer son œil rouge dans la cheminée vide. J'entendais sa respiration rageuse et le craquement du meuble sous ses retournements désespérés. J'en avais la mort dans l'âme, et il ne fallait rien moins que la lassitude divine des récents plaisirs pour que mes yeux se fermassent malgré moi sur les alanguissements inconscients de tout mon être. J'avais beau me dire que c'était abominable de m'endormir. En d'aussi tragiques circonstances, je m'endormais, mais d'un sommeil mauvais, plein d'inquiétudes et de reproches. Pourquoi ce soir mélancolique après une journée si belle? Avions-nous donc épuisé toutes les tendresses de nos cœurs, qu'il n'en restait aucune pour cette heure adorable entre toutes, où le repos à deux est comme une caresse qui se fige sur les lèvres et dans les bras? Mes paupières avaient achevé de s'abaisser sur un dernier pétillement d'étincelles dans l'âtre. Est-ce de cette impression que fut fait le rêve qui me vint, très obscur d'abord, puis s'illuminant des clartés intérieures que l'ombre qui nous entoure allume en nous? Car c'est la fiction de la vie que nous ignorions laquelle est la vraie de la lumière où nous nous agitons dans la veille ou de celle qui nous enveloppe dans le sommeil. Laquelle est la plus près de Dieu et nous suivra par-delà la vie? Ceux qu'une fois réveillés nous appelons des fantômes avaient-ils moins de réalité que les bons hommes invraisemblables qui s'effacent autour de nous tout le jour, en nous meurtrissant les coudes et en nous écrasant les pieds, vaniteux sans talent, politiciens immondes, outre gonflés de vent, et dont la raison d'être dans le monde est pour stupéfier la raison? Plus discrets sont les compagnons de nos songes et moins malfaisants, assurément. Celui que je voyais assoupi comme je viens de le conter, c'est-à-dire aux trois quarts arrachés à la terre dont je sentais cependant encore le poids à mes pieds, était un jeune garçon comme on en rencontre sur les quais, tenant devant eux ou transportant sur la tête une planchette où de petites statuettes de plâtre sont posées, type italien matiné de voyous parisiens avec des chevelures bouclées brunes, balayant les épaules, des dents très blanches que découvre un sourire narquois. Je ne sais cependant quel rayon de soleil dans les yeux qui fait penser aux antiques images de l'amour, aux éphèbes des décadences. Ce qu'il vendait, il le tenait soigneusement caché sous un voile, sournois et furtif comme un marchand d'obscénité. « Des étoiles, de très belles étoiles et pas chères, » fit-il en passant près de moi. Je le regardais étonné, car il n'est pas une impression de la vie qui ne se retrouve dans le rêve, et il répétait un peu plus bas. « Des étoiles, monsieur, de belles étoiles et pas chères. » Et soulevant un coin de la loque qui dissimulait sa boutique en plein vent, il me fit entrevoir une chose qui sautillait éperdument, douloureux comme un oiseau blessé, une façon de diamant vivant où brillaient de célestes lumières encore toutes mouillées d'azur. Sirius, Aldébaran, la Polaire, à votre choix, mon bon monsieur. Et Vénus ? Demandai-je. Oh, Vénus ne m'a pas attendu pour se vendre, fit-il. C'est fait depuis longtemps. Mais j'en ai des planètes bien recherchées que j'ai grand-peine à voler là-haut. Jupiter, dont la cuisse est l'arbre généalogique de tous nos grands hommes d'État. Mercure, cher aux boursiers et aux pharmaciens. Neptune, patron de nos délicieux marlous. Mars, qui fait d'excellentes bières. La grande ours, qui porte bonheur à l'Odéon. L'étoile des mages, dont le sarpéladan possède une réduction en 6 000 diamants. Et c'est les bergers que suivent encore les poètes. Pouh ! Lui dis-je. Je n'aurais voulu que Vénus. Il me regarda d'un fort méchant regard. Alors, fit-il avec une ironie méprisante aux lèvres, monsieur est, sauf le respect que je lui dois, un de ces imbéciles qui tiennent le corps fragile de la femme et le mensonge de ses baisers pour le plus précieux des biens qui soit au monde, un de ces jobards incorrigibles que n'ont pas guéri les exemples fameux de Lalila, d'Hélène, de Judith, de Cléopâtre et de Lucrèce Borgia dans l'histoire. Dans la vie présente, les souvenirs de toutes les drôlesses qui se sont moquées de lui et qui l'ont fait cocu. Et j'eus le courage de lui répondre « Je suis précisément cet homme. » Alors il partit d'un grand éclat de rire, lequel avait je ne sais quoi d'infernal, et donnant lui-même, agile comme un singe, un grand coup de pied dans son étalage, il m'envoya à la figure tout ce qu'il y tenait caché un instant auparavant, et je reçus dans les yeux comme 1 000 000 de petites flèches venimeuses, brûlantes, et qui s'y écrasaient en d'innombrables piqûres. Je m'éveillai. Mes yeux étaient pleins de pleurs qui avaient mis cette illusion cuisante. J'avais souffert, même en rêve, d'être séparé de celle qui dormait si près et si loin de moi. Je l'appelai doucement, mais elle ne me répondit pas. Et le silence, à peine rythmé par son souffle lointain, et la tiédeur des draps où je m'étais blotti plus profondément, le froid m'ayant piqué au visage, et cette longue paresse où me plongeait une fatigue délicieusement gagnée, m'ayant de nouveau rendu insensible aux choses réelles, je rentrai insensiblement dans le monde des songes qui nous guettent au sortir de celui-ci, et fait croire à des âmes ambiantes et inquiètes, qui s'ennuient dans l'éternité et qui cherchent une compagnie. Ainsi serions-nous, dans cette hypothèse, un simple amusement livré par Dieu à ses tyrans, dès que nos paupières sont fermées. L'exilé qui vint prendre possession de moi durant ce second somme n'avait rien de l'air troublant du premier. C'était un gros bonhomme réjoui, et certainement on ne vit jamais un trépassé ayant meilleure mine. Un bon sourire, bien franc aux lèvres avec cela, beaucoup de bonhomie dans le regard, et je ne sais quel air bon garçon qui me séduisit tout d'abord. Lui aussi, cependant, avait l'air d'un colporteur et d'un finaud. Mais quel article tenait-il ? Comme son prédécesseur, il ne semblait pas disposé à montrer à tout le monde sa marchandise, et il la tenait très précieusement enveloppée dans un immense foulard qu'il portait par les coins, semblant avoir ainsi, entre les doigts, de petites têtes de cocu. Je le trouvais si avenant que, ma foi, je n'attendis pas qu'il me vantât et me proposât sa drogue. « Qu'avez-vous là à m'offrir, compère ? » lui demandai-je. Alors il s'approcha de moi, et regardant derrière lui, comme s'il craignait que quelques sergents de ville d'outre-tombe, les sergents de ville marchent comme les autres et toujours dans leur îlot, ne l'observa et ne lui tomba sur le dos. « La lune ! » fit-il tout bas. « Vous me connaissez donc ? » repris-je extrêmement flatté. « Et y aurait-il quelque indiscrétion à vous demander comment elle se trouve entre vos mains ?»« C'est une chose que je ne me suis jamais permis de vous demander à vous-même, bien que j'en ai eu souvent l'occasion, » me dit le bon spectre sur un doux air de reproche. Je compris que je l'aurais affligé en insistant. « Et vous en voulez ?»« Toute votre fortune. »« Je n'ai pas trop, d'autant que je n'en ai pas. »« C'est tout comme, » fit l'accommode en marchant. « J'en suis pour ce que j'ai dit. » Et il me tendit l'objet, une lune admirable, ronde, blanche, un sourire de lumière, la plus belle lune que j'ai vue jamais, et dont, avant que j'eusse tendu vers elle mes bras, le doux frôlement m'effleurait exquisement le visage. Au même instant, je m'éveillai brusquement, avec une large caresse sur le visage et un grand froid de drap soulevé autour de moi, et j'entendis distinctement ma bonne amie qui me disait, d'une voix suave à demi fâchée, « Voyons, veux-tu me faire un peu de place, s'il te plaît ?» Ainsi s'achève Le Marchand d'étoiles par Armand Sylvestre.